Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Free Stupid White Male, l'Amérique blanche en question. Une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un président qui ne jure que par la grandeur et un franco-américain qui ne reconnaît plus son pays et retourne à Atlanta pour ausculter la longue histoire de la liberté dans une Géorgie sudiste et esclavagiste. Alors pour commencer, les personnages. Une femme offensée, une historienne qui raconte, un homme qui réécrit l'histoire, un historien qui décrypte, un militant des droits civiques, un homme en colère et un architecte. Ensuite, le décor. Des statues abattues, des socles et des piédestaux, la Confédération, un massacre, le révisionnisme, un panorama, un parc, des lynchages, la ségrégation, un bas-relief, le Ku Klux Klan et le flou artistique. Aujourd'hui, troisième épisode, on est face au monument. Free, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. Alors, free, la liberté, car c'est le pilier de la société américaine. La liberté, il y en a plein les textes fondateurs, plein les mythes, le self-made man, le cowboy. Mais cette liberté est au cœur de tout un tas de contradictions, depuis le début en fait. Pour voter, il fallait être un free white man, un homme blanc libre. La guerre de sécession a été menée par les 11 États du Sud qui formaient la Confédération au nom de leur liberté à avoir des esclaves. Les mouvements pour la justice raciale veulent que les monuments confédérés tombent. Les partisans de la suprématie blanche et d'autres les défendent coûte que coûte. Mais depuis la mort de George Floyd, les choses bougent. Premier monument, un monument qui n'est plus. Il a été déboulonné sur décision de justice en juin 2020 pour des raisons de sécurité, sur une place de Decatur à Atlanta, tout près de chez mes grands-parents. J'ai joué là quand j'étais gosse. Mon disquaire préféré était un peu plus bas. J'ai mangé des pancakes avec mes filles à côté. Mais je n'ai jamais remarqué ce monument. Je l'ai avoué à Fanta High de la Beacon Hill Black Alliance que j'ai retrouvé sur la dalle qui accueillait l'imposant obélisque. What formerly stood here in front of the courthouse. D'ici, on pouvait voir, juste devant le palais de justice, un obélisque de 12 mètres de haut. C'était un monument à la gloire des soldats confédérés et de ceux qui ont réduit mes ancêtres en esclavage. Ce monument est tombé la veille du 18 juin, un vendredi soir, un peu après 21h. Ils ont dû l'enlever en plusieurs blocs tellement il était énorme. Ils y ont passé toute la nuit. C'était une grande victoire pour notre ville, notre État, notre pays. The 30-foot obelisk monument, the Confederate monument, was placed here to intimidate the black community, to intimidate black voters. Ce monument avait été élevé ici pour intimider la communauté noire et intimider les électeurs noirs, car il remonte à 1908, l'année même d'un amendement qui visait à empêcher les noirs de voter. To disenfranchise black voters. We believe that those things go hand in hand. There wasn't a coincidence that that's when it was erected and that law. Nous, on pense qu'il y avait un lien avec la loi. Ce n'était pas du tout une coïncidence. Donc on était ravis qu'il tombe grâce à l'incroyable énergie déployée par le mouvement Black Lives Matter en pleine pandémie raciale, comme on a pu le dire, au beau milieu de soulèvements pour dénoncer la vague d'injustice. With the racial injustice and unrest. Et donc voir enfin ce monument tomber alors qu'on était témoin de graves abus racistes, c'était une victoire. Avec Beacon Hill Black Alliance et d'autres groupes comme Hate Free Decatur, on faisait pression depuis 2017 pour qu'il tombe. Et plus on faisait pression, plus la droite contre-attaquait avec force. Et elle a été trop rapide pour nous. Et en 2019, elle a obtenu une loi qui renforçait la protection des monuments confédérés. Nous, ce qu'on disait, c'est que l'on ne voulait pas que nos impôts financent la préservation des symboles de notre propre oppression. Alors moi, je n'avais jamais remarqué ce monument, je ne savais pas ce qu'il signifiait, il faut dire que je suis blanc, mais que répondez-vous aux gens qui disent « s'il vous offense, vous n'avez qu'à regarder ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le regarder ». Mais ça va bien au-delà de ça. Ces monuments sont là pour une raison. Il y a des gens qui disent « c'est juste un symbole dénué de toute puissance ». Moi, je crois qu'il déploie une puissance psychologique. Quand une communauté a été opprimée depuis si longtemps, oui, des gens peuvent dire que nos yeux se sont habitués à la présence de ces symboles, mais c'est trop facile de dire qu'ils ne sont pas importants, car ils ont en eux une charge et un impact psychologique. Ces monuments ont été érigés pour rappeler aux Noirs qu'ils doivent rester à leur place. Et ce n'est pas comme si on avait décidé, un beau matin, de les faire tomber. Ils sont tombés de haute lutte, à la faveur de l'énergie du mouvement Black Lives Matter et en réponse à tous les Noirs tués alors qu'ils étaient entre les mains de la police. Sur le piédestal de l'obélisque, il y avait gravé ces mots, érigés en l'an 1908, en mémoire à la vertu des soldats de la Confédération, pour que justice soit faite et que la vérité ne puisse périr. Robin Morris est historienne. Elle enseigne à l'université Agnes Scott, qui est dans le quartier, et elle nous a facilement rejoints. So it looks like nothing was ever there. It went up in 1908. Il a été érigé en 1908, et l'année figurait sur la plaque. Et cette date compte pour deux raisons. D'abord, c'était peu après les émeutes raciales d'Atlanta, aussi appelé le massacre d'Atlanta de 1906. Des citoyens blancs ont envahi les quartiers noirs du centre d'Atlanta et se sont mis à massacrer les gens. Ces violences sont liées à deux hommes, tous deux candidats au poste de gouverneur et tous deux propriétaires de journaux rivaux et publiaient des articles sans cesse plus racistes en appuyant sur la menace noire qui pesait sur les blancs et en particulier sur les femmes blanches. Et cela a culminé au massacre. Des citoyens blancs d'Atlanta ont expulsé les noirs des tramways en ville. Ils se sont mis à les frapper. Ça a duré toute une nuit. Et ce massacre est une date importante dans les tentatives de réintroduire la ségrégation à Atlanta par le biais de la terreur. Et d'ailleurs, cela a fait les titres des journaux en France. Et je montre toujours à mes étudiants ces vieux articles de la presse française sur la terreur à Atlanta. 1908, c'est aussi l'année d'un amendement constitutionnel en Géorgie pour désaffranchir les électeurs noirs par le biais de contraintes liées au lieu de résidence, par le biais d'un test d'alphabétisation conduit par l'intendant au registre électoral, ici même au palais de justice où nous sommes en ce moment. Les monuments étaient souvent fabriqués en série, bien après la fin de la guerre de sécession, et souvent à l'initiative des femmes. So the women were putting up the monuments. Les femmes élevaient les monuments. Elles veillaient aussi à ce que l'éducation des enfants honore la Confédération. Il y avait les chorales d'enfants. J'enseigne à l'université Agnes Scott. Et j'ai retrouvé les archives qui documentent tout cela. Les femmes étaient vêtues de blanc, en symbole de la pureté de la femme du Sud. Et les enfants portaient aussi des costumes avec le motif du drapeau confédéré, et aussi pour renforcer et enseigner cette idée de la fierté et de l'héritage de la Confédération. Les femmes réécrivaient l'histoire dans les manuels scolaires à travers tout le Sud pour s'assurer de la transmission d'une histoire pro-Sud, pro-Confédération et pro-esclavage. J'ai prolongé cette discussion avec mon oncle Randy, féru d'histoire. Il a pris sa retraite à Blue Ridge, à la frontière avec le Tennessee. Je ne l'avais pas vu depuis les funérailles de sa mère, ma grand-mère, il y a 10 ans. Voilà. Okay, I'll be right with you. My paternal grandmother was a member of the United Daughters of the Confederacy. Ma grand-mère paternelle était membre de l'organisation de l'Union des filles de la Confédération. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle ne s'est jamais entendue avec ma mère, qui venait de Californie. Je ne suis pas catégorique, mais après tout, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Et ma grand-mère ne voulait pas que mon père épouse une femme qui n'était pas du Sud. Elle était très fière de son héritage confédéré. Et je le suis moi aussi. Randy était conseiller fiscal. Il est républicain, très à droite. Il a collé à son pare-choc un autocollant « Blue Lives Matter ». Les vies des bleus, des policiers, comptent. Une riposte, bien sûr, au « Black Lives Matter ». Sur la table de chevet de sa chambre d'amis, il y avait, bien en évidence, un livre intitulé « The South was right ». Le Sud avait raison. The war between the states, or the war of southern independence, as I'd like to refer to it, la guerre entre les États, la guerre pour l'indépendance du Sud, comme je préfère l'appeler, n'avait rien à voir avec la libération des esclaves. La genèse de la guerre, c'était l'économie. Le Sud, à l'époque, était l'une des régions les plus riches du monde. Le Nord avait besoin de nos ports maritimes. Les ports de Savannah, Charleston ou Jacksonville. Et il lorgnait sur nos recettes. Abraham Lincoln n'a pas mené la guerre pour libérer les esclaves. Il ne voulait pas que le Sud fasse sécession, car il ne voulait pas renoncer aux revenus du Sud. Le gouvernement fédéral, dont le siège était dans le Nord, taxait le Sud. Mais l'argent ne revenait jamais ici. Le Sud subventionnait le Nord. L'esclavage était en jeu, certes, mais la guerre n'a pas été lancée pour libérer les esclaves. Les milliers et milliers de soldats confédérés étaient pauvres. Souvent pieds nus, ils mangeaient le maïs qui se trouvait dans le crottin de cheval. Ils ont combattu avec bravoure. Vous croyez qu'ils ont fait ça pour que quelques richissimes propriétaires de plantations puissent garder leurs esclaves? C'était des patriotes. Ils se sont battus pour leur pays et pour leur cause. Ce n'est pas le Sud qui a acheminé les esclaves en Amérique. Le Sud en a acheté aux marchands d'esclaves du Nord, mais il ne les a pas fait venir. D'ailleurs, les universités Ivy League, Yale, Harvard, Princeton, elles ont été bâties par des esclaves, et elles sont dans le Nord. L'esclavage n'a pas commencé dans le Sud, et bien sûr, nous le savons tous. L'esclavage remonte à la lie des temps. À la Grèce, les pyramides d'Égypte ont été bâties par les esclaves. Alors, est-ce qu'on devrait les démolir? If you're looking at the history of the Southern economy, you're looking at an economy that's grounded in slavery. Si l'on se penche sur l'histoire de l'économie du Sud, c'est une économie qui reposait avant tout sur l'esclavage. Il n'y aurait pas eu d'économie du Sud sans la main-d'œuvre d'esclaves. Les esclavagistes achetaient des êtres humains et ils tiraient leur profit de cette main-d'œuvre qui plantait le coton, ramassait le coton et vendait le coton. La majorité de la main-d'œuvre à l'origine des profits du Sud était composée d'esclaves. Alors, on peut parler d'une guerre menée au nom des droits des États, mais ce sont les droits des États à avoir des esclaves. Ce n'est même pas quelque chose qui fait débat, c'est dans les archives. Alexander Stevens, qui était de Géorgie, était le vice-président de la Confédération. Et dans un discours considéré comme fondateur, Il dit que l'esclavage est la pierre angulaire de la société du Sud, de la culture du Sud et de l'économie du Sud. Whites related to each other through status. Le fait d'avoir un esclave était aussi un marqueur social pour les Blancs. Être ou non propriétaire d'esclaves déterminait votre rang social. Le système bancaire reposait dessus aussi, car les gens empruntaient de l'argent pour acheter des esclaves. Des banques qui existent encore aujourd'hui tiraient profit des hypothèques escomptées sur des corps humains. Toutes les composantes du vieux Sud étaient liées à l'esclavage. Si l'on enlevait les esclaves, l'édifice s'écroulait. Dans les salles de l'exposition Turning Point du Centre d'histoire d'Atlanta, il y a de nombreux panneaux pour mettre en garde le visiteur. Attention, ces gravures ne sont pas le reflet fidèle de la réalité. La mythologie de la cause perdue visait à assainir l'histoire de la guerre de sécession. Sheffield Hale est historien et président du Centre d'histoire d'Atlanta. The Lost Cause Mythology is what is called also called the Great Rationalization. It is it's the reason. La mythologie de la cause perdue se réfère à la fois aux raisons développées par les sudistes pour expliquer leur défaite, mais aussi les raisons pour lesquelles le Sud a mené la guerre. And the first thing that they figured out was slavery was not a winning argument. And they would come up with all sorts of. Et la première chose qu'ils ont constatée était que l'esclavage comme cause n'était pas un argument en leur faveur. Donc, ils ont inventé d'autres arguments. Un droit constitutionnel à faire sécession, au nom de la liberté, pour une deuxième révolution, etc. Ce qui était en jeu, c'était l'essence même de l'Amérique. Et ensuite, il y a eu des films. Naissance d'une nation, par exemple, pour glorifier le vieux Sud. Et autant en emporte le vent avec la mythologie des belles plantations et des esclaves heureux dans les champs. Tout cela a perpétué la mythologie de la cause perdue. Le risque aux yeux de la plupart des Américains blancs, c'est la perte de leur identité, écrit James Baldwin à son neveu dans « La prochaine fois le feu ». Baldwin écrit aussi « Les Blancs sont pris au piège d'une histoire qu'ils ne comprennent pas. Il est de ton devoir de les accepter avec amour. » J'ai relu moi-même James Baldwin récemment. Et c'est incroyable. Prenez un de ses textes de 1956 sur la brutalité policière et vous le mettez à la une des journaux aujourd'hui et ça tient encore. Cela aurait pu être sa réaction à la mort de George Floyd. La clarté de son propos et la tristesse de la situation, c'est la même conversation aujourd'hui. Et ce qu'il dit sur les Blancs prisonniers de leur histoire, oui, les Blancs du Sud comme moi, nous avons grandi dans une société qui nous a plongés dans le brouillard. Nos parents et grands-parents nous enseignent cette mythologie de la cause perdue, nos professeurs aussi, les gens que l'on aime et admire le plus nous ont raconté ces histoires. Donc forcément on les croit. Cela nous arrange d'ailleurs, car on se sent mieux. Le problème, c'est que c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Et l'on se retrouve coincé dans ce mensonge. Et lorsque l'on entend des versions dissonantes, on est complètement confus. Et comme dit Baldwin, on devient prisonnier de cette histoire. On ne peut pas s'en extraire, à moins d'aller à rebours de tout ce que vos parents et vos grands-parents vous ont raconté. Et c'est difficile. C'est très dur d'en sortir. Si vous y parvenez, vous êtes soit libéré, soit déprimé. Le centre d'histoire abrite le cyclorama de la bataille d'Atlanta, une peinture cylindrique gigantesque, 114 mètres de circonférence et 12 mètres de haut. On ne sait pas très bien par où commencer. Il y a des grappes de soldats qui s'affrontent ça et là. La fumée embrume le paysage. Il y a des départs de feu le long d'un chemin de fer. Des obus qui tombent sur la terre ocre, des chariots renversés, des arbres déracinés, des chevaux blessés. Et je l'ignorais, mais des uniformes gris de plusieurs blessés et prisonniers sudistes ont été repeints en bleu pour donner l'impression d'une débâcle unioniste. Pourtant, le Sud a perdu la bataille d'Atlanta en juillet 1864. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je n'avais pas compris grand-chose quand je l'avais visité, gamin. Mais maintenant, un film est projeté sur la peinture et une voix off explique la supercherie. Le film a été conçu par l'historien militaire Gordon Jones. Les gens approchent cette peinture avec trépidation et la voient comme une arme de propagande. Et c'est ce qu'elle était. Notre travail consistait à désamorcer cette arme et à dire aux gens, regardez, voilà la vraie histoire de cette peinture. Et voilà ce qu'elle peut nous apprendre sur la façon dont nous avons tronqué l'histoire de la guerre civile. The history of the Civil War and the way that the United States, different parts of the United States, different people in the United States have thought about the Civil War is writ large. L'histoire, telle que se l'est racontée une partie du pays, est là, devant vous. Cette peinture nous dit tant de choses sur l'histoire de notre pays. Et les gens veulent simplement entendre la vérité. About this thing. So, our film, and I understand. Donc je comprends les critiques qui disent que nous développons trop l'histoire de la peinture et pas suffisamment l'histoire de la bataille en elle-même. Into the scene itself. I understand that. Traditionally, the presentation was focused. La présentation se limitait aux détails de la bataille. Et cela permettait d'éviter de se confronter au vrai sujet de la guerre civile. Ici, l'organisation mémorielle des parcs nationaux a eu le même problème il y a quelques années et a décidé d'expliquer la bataille, mais aussi les raisons qui ont abouti à la bataille. Et nous avons décidé d'aller plus loin encore en expliquant ce qui s'est passé après et l'origine de cette peinture. Si l'on remonte en arrière, la bataille d'Atlanta était prévue pour une audience du Nord. Elle devait représenter une victoire nordiste. Mais la peinture a fini à Atlanta pour des raisons financières. Un entrepreneur voulait l'exploiter ici et il savait très bien que les Blancs du Sud n'allaient pas payer pour voir une victoire du Nord. Donc, pour des objectifs de marketing, il a fait injecter une nouvelle narration selon laquelle la bataille d'Atlanta était la seule victoire confédérée jamais peinte. Donc il dit, voici, c'est une victoire confédérée. Militairement peut-être, nous n'avons pas remporté cette bataille. Mais nous avons remporté la victoire morale. La Confédération avait raison et elle a été vaincue pour des raisons d'effectifs. Donc la peinture est restée à Atlanta et est devenue le symbole d'Atlanta, d'une Atlanta blanche à l'époque, pour dire « Voici la réalité de notre expérience terrible à l'issue de la guerre. Nous sommes la vieille ville du Sud qui a souffert pendant la guerre. » That suffered in the war. Our city was burned, but we have risen from the ashes and we become the capital of the new South. Notre ville a brûlé, mais nous avons su renaître de nos cendres et sommes la capitale du Sud. Et vous tous, venez investir à Atlanta. In a certain way, in marketing terms, the city of Atlanta. Here's our identity. But it is a white identity. Donc cette peinture, en termes marketing, devient la représentation de la ville d'Atlanta. Voilà notre identité. Mais c'est une identité blanche et c'est une identité qui célèbre quelque chose qui ne s'est jamais vraiment passé, une victoire confédérée. Et cette signification a perduré jusqu'en 2014, quand nous avons commencé à restaurer la peinture. Les gens attendent d'un musée qu'il soit honnête. just to be honest. L'histoire de l'esclavage et le sort des monuments confédérés ne sont pas une priorité pour tous les Noirs. You know, being an African-American male, if I focused on everything that offended me, I wouldn't get out of it. Si je pensais sans cesse à toutes les choses qui m'offensent en tant qu'Afro-Américain dans ce pays, je ne fermerais pas l'œil de la nuit, m'a dit Ron Williams, un entrepreneur quadragénaire. Tandis que M. Henderson, qui est mécanicien, est pour le déboulonnage. Il m'a dit, les Blancs qui s'accrochent à ces statues savent pertinemment qu'elles offensent les Noirs, c'est la preuve qu'ils ne veulent pas vivre avec nous. Everybody you know leaving that monument, they prejudice. That's why they want to keep it. Monsieur Henderson ne rencontrera sans doute jamais Rodney Cook. Rodney Cook est issu d'une famille de riches industriels. Son père était un élu républicain. Il est président de la Fondation des Monuments Nationaux. My foundation tends to want to preserve all monuments. Ma fondation a tendance à vouloir la préservation de tous les monuments. Mais nous souhaitons que l'on ajoute d'autres monuments à leur côté, avec le même soin, de façon à ce que les vieilles œuvres témoignent de là où nous étions, et les œuvres nouvelles disent « voilà où nous sommes ». Et l'un de nos plus beaux boulevards d'Amérique, l'avenue des Monuments à Richmond en Virginie, qui était la capitale de la Confédération, une avenue époustouflante de beauté, bordée d'œuvres immenses, a vu récemment toutes ces statues déboulonnées et les énormes piédestaux, tout aussi beaux, ont été recouverts de graffitis. Lors d'une conférence récemment, j'ai proposé qu'on laisse tout en l'état, de ne pas redresser les statues et de laisser les graffitis pour montrer aux futures générations d'Américains à quel point nous sommes tombés bas. Je parle de ce moment de l'histoire que nous vivons présentement. Au lieu d'interpréter le moment où nous étions, nous avons fait semblant que cela n'avait jamais existé. Donc quelque chose qui aurait pu constituer une leçon extraordinaire pour les générations futures a été défiguré au point d'être dégoûtant. Ce qu'ils viennent de faire est aussi répréhensible que les actes des personnes représentées par les statues qu'ils ont déshonorées en les faisant tomber. C'est répondre à la révulsion par la révulsion. You were late for our meeting, which is perfectly fine. Alors, vous étiez en retard pour notre rendez-vous, car vous étiez en réunion avec des officiels de l'État de Géorgie pour discuter de la future statue qui pourrait éventuellement représenter une nouvelle personnalité de Géorgie au Capitole, à Washington. C'est bien ça. J'étais avec le gouverneur de la Géorgie et avec Andrew Young, qui est mon co-directeur, pour un projet de rénovation d'un parc de la paix bâti au 19e siècle par mes ancêtres. The statue that we have almost completed of Congressman John Lewis, who sadly passed. Nous avons presque achevé la statue du congressiste John Lewis, qui est hélas décédé en juillet dernier. Lewis a été l'un des premiers dirigeants du mouvement des droits civiques. Il a été sévèrement battu sur le pont Pettus de Selma. Ils lui ont fracassé le crâne. Il en a gardé des séquelles toute sa vie. Lewis a été parlementaire au Congrès pendant plusieurs décennies. Il représentait une circonscription d'Atlanta. Il est devenu l'une des icônes des États-Unis. C'est le premier Afro-Américain à avoir l'honneur d'une dépouille en chapelle ardente sous la rotonde du Capitole. Comme notre statue de John Lewis est un bronze, le gouverneur nous a demandé si nous pouvions faire une deuxième statue. Nous avons dit bien sûr, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi a demandé que la statue d'Alexander Stevens soit enlevée du Capitole à Washington, D.C. Chaque État des États-Unis a le droit d'être représenté par deux statues dans cette pièce, le Statutory Hall, la vieille chambre. Et Pelosi a demandé qu'on enlève la statue d'Alexander Stevens pour la remplacer par John Lewis. et le gouverneur y semble favorable. Alexander Stevens était sénateur, mais avant, il était le vice-président des États confédérés, et il ne s'est pas départi d'un discours en faveur de l'esclavage. Il disait « l'esclavage à jamais ». Et Pelosi a très à cœur d'enlever toutes les statues confédérées du Capitole. Cela fait 40 ans qu'elle est au Congrès. Ces statues étaient déjà là quand elle est arrivée, mais étant donné les convulsions que traverse ce pays, elle veut effacer l'histoire et faire comme si rien ne s'était jamais passé. Et quelle était l'autre personnalité qui représentait la Géorgie ? Crawford Long. Il a inventé les anesthésies à l'éther. I'd draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Plus d'un siècle après la formule « l'esclavage à jamais » d'Alexander Stevens, le gouverneur de l'État de l'Alabama, George Wallace, déclare en 1963 Je dis à Washington, nous voulons la ségrégation maintenant, la ségrégation demain et la ségrégation pour toujours. 1963, c'est l'année du « I have a dream » de Martin Luther King. L'archive de Wallace accueille les visiteurs à l'entrée du Centre national des droits civiques à Atlanta, présidé par Jill Savitt. Jill Savitt reconnaît qu'entre la fin de la guerre de sécession et 1963, il y a une étape importante. La période de la reconstruction. L'histoire des droits civiques que l'on présente dans notre musée commence vraiment aux années 50. Et l'on examine une séquence bien précise de cette histoire. On cherche désormais à élargir et à réunir les fonds pour deux ailes supplémentaires, et l'une de ces ailes remontera à l'ère de la reconstruction. J'espère que l'on y parviendra, car il est très dur de bien comprendre la lutte pour les droits civiques dans les années 50 et 60 sans avoir assimilé la reconstruction et le retour de bâton qui a suivi les avancées accordées aux Noirs. Le droit de vote, les amendements, qui ont fait d'eux des citoyens à part entière. Les Noirs ont subi un retour de bâton terrible après. Il y a eu des négociations entre le Nord et le Sud, et le Nord commençait à se lasser du problème et à retirer ses troupes. Il y a eu des accords avec le Sud, la plupart couvraient l'économie, mais le pays a abandonné les Noirs. Juste après la guerre civile, les Noirs ont donc eu le droit de voter, le droit d'être candidats aux élections, ils ont eu accès à un certain pouvoir économique et ils se sont emparés de ces opportunités. Et donc, les Noirs ont décroché des sièges au Congrès car dans de nombreuses circonscriptions, les citoyens noirs étaient majoritaires. Et une fois en poste, ils ont légiféré en faveur des intérêts des Noirs. Et donc, les Noirs disaient, nous avons le droit à l'éducation, nous avons le droit à la sécurité, et cela a rendu fou de rage la population blanche du Sud. Et l'on a vu déferler une série brutale d'événements. C'était la terreur raciale, une forme de terrorisme contre la population noire. Il y a eu des lynchages, des licenciements. Ils ont introduit des clauses pour empêcher les Noirs d'exercer leur droit de vote. Donc les Blancs du Sud ont complètement démantelé la législation fédérale qui avait fait des Noirs des citoyens. Le Sud a annulé tout cela par le biais de lois et par le recours à la terreur. La reconstruction est la période juste après la guerre civile, une période durant laquelle le Nord, les États-Unis, ont occupé le Sud durant plusieurs années pour reconstruire la société, pour s'assurer que les Noirs, les anciens esclaves, soient bien traités, pour leur donner une chance. Sheffield Hale, président du Centre d'histoire d'Atlanta. Cela n'a pas duré très longtemps. Les troupes du Nord se sont retirées. Il y a eu un compromis en 1877 entre le Nord et le Sud, et après cela, les sudistes qui avaient eu le pouvoir ont eu les coudées franches pour tout reprendre. On a même appelé cela la restauration des Bourbons. Ça doit vous dire quelque chose. And that's when you started seeing these harsh black codes. Et c'est là que l'on a vu les codes noirs cruels et les lois de Jim Crow qui installaient la ségrégation. On a commencé à voir des noirs arrêtés puis emprisonnés pour des délits très mineurs et qui pouvaient être embauchés par des particuliers. C'était de l'esclavage sans en avoir le nom, un système de leasing des prisonniers au profit de personnes privées. Un nouveau chapitre horrible de l'histoire américaine s'est ouvert post-reconstruction dans les années 1880-1890. C'est une histoire qui n'est pas assez enseignée. La reconstruction, c'était la possibilité d'offrir un renouveau et de réelles chances aux Afro-Américains dans ce pays. Des universités historiques noires sont sorties de terre. Des classes moyennes noires se sont formées. Une élite américaine éduquée a émergé. Il y a une réaction à cela. Et la vraie histoire, c'est la résilience des Noirs américains devant l'horreur, les lynchages et les lois adoptées pour les rabaisser. Entre 1880 et le début des années 50, et le début du mouvement des droits civiques, il y a tout un pan d'histoire qui n'est pas dit. Et c'est ce moment de l'histoire que l'on essaie de replacer dans les conversations. Parce que si vous comprenez cette histoire, alors vous comprendrez mieux George Floyd aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que, vous comprenez, il y a une sous-classe d'Afro-Américains aujourd'hui. De nombreuses raisons expliquent cela, mais cette perspective est nécessaire. Et je pense que ces statues peuvent nous offrir une porte d'entrée à cette période pour comprendre, mais pourquoi a-t-on élevé cette statue ? Que se passait-il à l'époque ? Et si vous commencez à l'expliquer, alors les gens voudront savoir davantage. Et c'est, on l'espère, ce que cette période finira par éclairer. En Amérique, les gens ont tendance à sauter de la guerre révolutionnaire à la guerre civile, puis de passer directement au mouvement pour les droits civiques. Ils oublient ce qui s'est passé entre, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses en la défaveur des Noirs américains. Mais il y a aussi tout ce qu'ils ont entrepris pour préparer le succès du mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60. Il faut comprendre la vraie histoire, y compris ces moments sales. L'histoire est sale ici. La Géorgie devra régler en urgence le sort d'un monument qui est épineux, complexe et surtout massif. C'est le plus grand monument confédéré du monde. Le bas-relief de Stone Mountain est sculpté sur le flanc nord d'une montagne de granit à 120 mètres d'altitude. Il représente Stonewall Jackson, le général Robert E. Lee et Alexander Stevens. J'ai fait du canoë et je me suis souvent baigné dans la piscine à vagues au pied du bas-relief sans jamais vraiment y prêter attention. Depuis 1991, les Blancs sont minoritaires à Stone Mountain. Les Noirs ont apprivoisé le parc. Tammy Barbaretti s'y rend tous les matins. Ce parc est merveilleux. C'est en partie pourquoi je me suis installée ici. J'étais tellement attirée par cette montagne de granit. C'est un phénomène. Par exemple, j'avais des problèmes de dos et je suis allée au sommet et je me suis allongée de tout mon long. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce massif de granit qui est vraiment, vraiment unique. Alors sincèrement, moi, ça fait longtemps que je suis à Stone Mountain. Alors pour certaines personnes, ça fait partie de leur patrimoine. Il y a des gens qui rendent honneur à ce patrimoine. En revanche, vu le climat aujourd'hui, c'est un peu offensant tout de même, principalement pour les gens de couleur et ceux qui ont été esclaves. Ça représente le racisme, les préjugés, la haine. et la suprématie blanche. Donc je ne suis pas d'accord avec le concept. Mais à l'époque, des gens rendaient hommage à des personnes et on ne peut pas le leur enlever et l'enlever à leurs ancêtres. Le problème avec le climat qui règne aujourd'hui, c'est que c'est embêtant. Je ne sais pas du tout combien ça coûterait de le détruire. Mais ce qui serait bien si on le gardait là, ce serait un beau geste de mettre quelqu'un qui représente tout le monde, l'amour de tous les peuples. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument l'enlever, car ces hommes-là, leurs descendants, leurs familles, tout ça a changé, évolué. Ça fait partie d'une histoire que l'on ne peut pas effacer. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette ville et tout ce coin est très mixte maintenant. Je me souviens bien quand j'étais petite, car j'ai grandi à Atlanta, j'y suis même née. Et quand enfant, on venait dans ce parc, on avait 6, 7, 8 ans, tous afro-américains. Les adultes nous disaient qu'il fallait que nous restions groupés, et c'était une règle non écrite, mais les Afro-Américains devaient avoir quitté le parc dès 17-18 heures, avant le coucher du soleil, parce que le Ku Klux Klan était encore très actif dans ce parc. Et donc, on a grandi avec ça. C'était dans le milieu des années 70, et on venait souvent ici, à Stone Mountain, et on devait respecter la règle. Mon oncle Randy m'a dit plusieurs fois qu'Atlanta et Stone Mountain n'étaient plus comme avant. Il m'a parlé de plusieurs faits divers et d'agressions impliquant des Noirs, un peu comme s'il avait été dépossédé. Alors je vais vraiment être très en colère s'il défigure le bas-relief. Même si je crois que ça finira par arriver, quelle que soit la raison, elle serait mauvaise. Moi, j'ai grandi au rythme de toutes les étapes de ce projet, qui a pris de nombreuses années. Il a été repoussé plusieurs fois. Je ne sais plus si c'était un souci d'argent ou parce que c'était périlleux. Mais beaucoup ont investi de l'énergie pour ce projet. Et il n'y a rien dans ce bas-relief qui fait allusion à l'esclavage. Ce sont de vaillants généraux confédérés à cheval. Ce serait juste une tragédie. L'histoire, c'est l'histoire. Que ça nous plaise ou non, ça a existé. C'est une œuvre unique qui devrait être préservée au lieu d'être dégradée avec des graffitis ou je ne sais quoi pour la détruire. Mais j'ai bien peur que c'est ce qui va finir par arriver. Des partisans de la suprématie blanche, armés jusqu'aux dents, se retrouvent parfois en horde à Stone Mountain. Et depuis la mort de George Floyd, il leur arrive d'affronter des unités paramilitaires noires qui souhaitent que le bas-relief soit défiguré. Le sang n'a pas coulé, mais la tension monte et les politiciens républicains ne veulent pas prendre de risques. Ryan Gravel, urbaniste renommé d'Atlanta et cofondateur de la Stone Mountain Action Coalition, y voit une opportunité. Le problème avec le parc, ça n'est pas uniquement le bas-relief sur le flanc de la montagne. Ce sont aussi toutes les routes qui portent le nom de généraux confédérés, un bâtiment qui s'appelle le Hall de la Confédération, il y a le carré de pelouse de la mémoire. Tout a été nommé en hommage à cette interprétation de la Confédération qui est assez étroite. Alors bien sûr, il y a la montagne qui est une merveille de géologie avec des caractéristiques incroyables, mais une rangée de drapeaux confédérés marque le début du sentier qui mène à son sommet. Donc pour nous, il s'agit d'enlever ces drapeaux, de changer le nom des rues, de changer le nom des autres équipements du parc et de résoudre le problème de la sculpture. Cette sculpture est protégée par une loi de l'État de Géorgie et elle est énorme, 58 mètres de large. C'est le plus grand bas-relief du monde. Et il est assez élevé, ce n'est pas quelque chose qu'un petit groupe de manifestants peut faire tomber. D'ailleurs, la montagne est située dans un parc qui appartient à l'État, et toute manifestation nécessite une autorisation, ça n'est pas si simple. Nous devons donc faire pression sur l'Assemblée parlementaire de l'État pour modifier la loi et permettre un changement. Les élus de Géorgie ont souvent répondu aux avancées en faveur des Noirs par des projets liés au passé esclavagiste du Sud. Et leur association avec le Ku Klux Klan n'est pas un obstacle. Le lien de la montagne avec la Confédération remonte à 1915, lorsqu'un groupe d'hommes a fait brûler une croix en haut pour marquer la fondation du Ku Klux Klan moderne. Il n'y a aucune relation entre la montagne, les espaces alentours et la Confédération. Et il n'y a pas eu de guerre là, pas de bataille, pas de campement, pas un seul événement en lien avec la guerre civile. La montagne n'a été désignée comme site pour commémorer la Confédération que parce que le Ku Klux Klan l'avait apprivoisé et parce que l'union des filles de la Confédération était favorable. Ce projet a reçu un nouvel élan dans les années 50 grâce à l'implication de l'État de Géorgie dans la foulée de l'arrêt de la Cour suprême pour la mixité raciale dans les écoles publiques. Alors qu'à quelques kilomètres de là, à Atlanta, le mouvement des droits civiques prenait son essor. En 63, les parlementaires géorgiens se sont engagés à réunir des fonds pour cette sculpture, l'année même où Martin Luther King prononçait son discours « I have a dream » à Washington, discours dans lequel il rêvait du jour où la liberté résonnerait au sommet de Stone Mountain en Géorgie. Et c'est exactement à ce moment que l'État de Géorgie s'est dit « Vous savez quoi, nous allons terminer ce monument à la gloire de la suprématie blanche et veiller à ce que tout le monde comprenne bien la position de l'État de Géorgie dans le mouvement des droits civiques. » Et puis juste après, il y a eu l'assassinat de Luther King et d'autres, et la sculpture n'a été achevée qu'en 70. Ce n'est pas un joyau historique, c'est juste un symbole de haine délibérément pensé pour affirmer la suprématie blanche. Il y a plusieurs propositions pour Stone Mountain, une statue de Martin Luther King en bronze sous une cloche de la liberté au sommet de la montagne, un musée pour souligner le ridicule de la mythologie de la cause perdue. Ryan Gravel a une autre idée. There could be a more creative proposal that would transform the sculpture so that it Il pourrait y avoir des propositions plus créatives pour transformer la sculpture de manière à estomper sa connotation d'origine. Il y a toute une procédure pour y parvenir. Avec des historiens locaux, notre idée est d'autoriser la nature à reprendre ses droits sur la sculpture. La pierre présente de nombreuses fissures, des recoins. Elle est régulièrement nettoyée pour empêcher des arbres d'y pousser. On pourrait, au contraire, l'asperger de matières organiques, de terre, et laisser les arbres y repousser. Quand on escalade la montagne, on voit plein de pins prendre racine dans les failles. Donc sans intervention, la végétation pourrait pousser, la sculpture serait encore là, mais elle serait comme grignotée par la nature, ce pourrait être très beau, une sorte de négligence artistique qui pourrait changer la signification de cette sculpture. La guerre civile, le Ku Klux Klan, la cause perdue font partie de notre histoire. Il nous faut l'assumer, mais nous pouvons aussi aller au-delà. She came from the land of the cotton, a land that was nearly forgotten by everyone. She and she slayed so hard. Big old field was her backyard in the Delta sun. Oh, but she sure could sing. Free Stupid White Male, l'Amérique blanche en question, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine pour la série documentaire. Looked down and he took a little pity. The whole town swore he decided he'd help her son. Merci à Claire Haley, documentation Annelie Signoret, doublage Kiddy Bébé, Nicolas Berger, Romain Debec de Lièvre, Christine Bernard, Doria Zénine, Amaury Chardot, Thierry Beauchamp et Elena Brokolich. Prise de son et mixage, Marie Lepeintre, Valérie Lavalard, Cédric Chatelus et Élise Le. Coordination, Marie-Vonna Bolivier et Perrine Kervran. She led all the people together in singing, and she prays every night to the Lord up above, singing. Songs by the river, even when she knew for sure she'd have to go away. She never knew what her life was to give her, and never had to worry about it for one single day. But she sure could sing, yeah. Oh, she sure could sing. She had faith, she had believing. She led all the people together in singing, and she prays every night to the Lord up above, singing. By everyone, she worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. Oh yes, she sure could say. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Georgia, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Jules Crétois et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir « Jour des élections », le documentaire de Nereu Afonso da Silva, consacré aux élections présidentielles au Brésil et au climat de tension lié à la campagne de Jair Bolsonaro. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, Mail. Mais en attendant, restez à l'écoute de cette semaine américaine sur France Culture.